Alors, pour ce dernier podcast, avant le début d'une nouvelle année, je vais lire un texte qui a été partagé sur mon fil Facebook, qui est d'un moine bénédictin argentin, qui s'appelle Ma Mère Tome la Passe, et qui parle un peu du bonheur, et fait une espèce de bilan typique de la nouvelle année. Mais avant... Enfin, pour souligner qu'il y a quand même... C'est toujours ambivalent de lier le bonheur à la volonté, comme il le fait dans le texte, parce qu'on n'est pas tous dans la même situation, que ce soit par rapport à des considérations externes ou internes, comment on réagit aux choses. Et moi, j'ai du mal avec... C'est pas la tendance à la culpabilisation, mais ça doit jamais pousser à nier le fait de se sentir mal. De lier le bonheur à la volonté. Mais je trouve ça intéressant parce que ça souligne le fait que ce qu'on pense et les mots qu'on met sur ce qu'on ressent, bah ça peut avoir un impact sur notre réalité. Pas direct, c'est pas magique, mais c'est pas anodin, enfin c'est pas neutre. Et du coup, comme tout, enfin, le texte, c'est à prendre s'il y a des choses qui nous parlent et c'est à percuter sur les endroits avec lesquels on n'est pas d'accord pour affiner ce qu'on pense. Parce que c'est pas toujours en entendant des trucs qu'on sait déjà avec lesquels on est d'accord qu'on avance forcément. Du coup, voilà. Je vais lire. J'ai dû le traduire. Donc c'est un peu peut-être approximatif. Ce que je vois au fur et à mesure que je prends de l'âge, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises années. Il y a des années riches en apprentissage et d'autres qui sont comme des pauses, mais qui ne sont pas mauvaises. Je suis convaincue que la façon d'évaluer une année devrait porter sur combien on a été capable d'aimer, de pardonner, de rire, d'apprendre des nouvelles choses, d'avoir mis au défi nos égos et nos habitudes. C'est pour ça qu'on ne devrait pas avoir peur de la souffrance, ni du si redouté échec, parce qu'en fait, c'est des instances d'apprentissage. On a beaucoup de mal à comprendre que la vie et la façon de la vivre dépendent de nous-mêmes. La façon dont nous sommes embarqués dans des choses qu'on ne veut pas dépend seulement du travail sur notre volonté. Si je n'aime pas la vie que j'ai, je dois développer des stratégies pour la changer. Le pouvoir de le faire réside dans ma volonté. En fait, être heureux est une décision. Ne l'oublions pas. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour pouvoir construire une bonne année, car on est tous sur le chemin d'apprendre chaque jour à être meilleur et de comprendre qu'en fait on est dans cette vie pour trois choses. Apprendre à aimer, laisser une trace et être heureux. Voici trois choses sur lesquelles on devrait travailler tous les jours et je crois qu'on peut dégager trois facteurs qui y aident. Apprendre à aimer la responsabilité comme une instance qui nous fait grandir. Le travail, rémunéré ou pas, rend digne l'âme et l'esprit et fait du bien à notre santé mentale. Aujourd'hui, la signification de la fatigue est vue comme quelque chose de négatif, de laquelle on devrait s'en défaire, et non comme le privilège d'être fatigué, parce que ça signifie qu'on est en train de donner le meilleur de nous-mêmes. Sur cette terre, on est venu pour se fatiguer. Valoriser la liberté comme une forme de se vaincre soi-même, et surtout comprendre qu'être libre, ce n'est pas faire tout ce que je veux. Peut-être devrions-nous exercer notre liberté en faisant ce que nous devons avec plaisir et nous dire que nous sommes heureux d'être fatigués et de cette façon pouvoir aimer plus et mieux. Développer sa force de volonté, ce merveilleux talent de pouvoir espérer, de repousser des gratifications immédiates, cultiver la tendresse et nous traiter bien comme pays et comme famille, nous saluer dans l'ascenseur, dire bonjour au gardien, au conducteur de bus, sourire au moins une ou plusieurs fois pendant la journée. Nous aimer. Créer de la chaleur dans nos maisons. Et pour ça, il faut qu'il y ait l'odeur de nourriture. Il faut qu'il y ait un désordre qui manque de la vie. Nos maisons, indépendamment de nos revenus, sont en train de devenir trop parfaites. Et on dirait que personne ne peut y vivre. Essayons de grandir spirituellement, peu importe la vision qu'on en ait. La transcendance est donner du sens à ce qu'on fait, à avoir avec l'intelligence spirituelle. Essayons de doser la technologie et donnons de l'espace à la conversation, aux jeux anciens, aux réunions de famille, aux réunions entre potes chez soi, Valorisons l'intimité, la chaleur et l'amour dans nos familles. Si on parvient à travailler ces points, et moi je promets d'essayer, on pourra dire qu'on est heureux, ce qui ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais ça nous fait comprendre que la différence entre quelqu'un d'heureux et quelqu'un qui ne l'est pas n'a pas à voir avec les problèmes, mais avec l'attitude avec laquelle on affronte ce qui nous arrive. Voilà. Je laisse ça là.